Ono suyu. Ya. Jikuni. Le j'aime c'est pas choupi, l'école m'est a fini, ainsi répond pani, m'a des mamans, Uchi, IMSEX, sans abaisse, A, L, D, P, A, B, T, S, en bon taille, en K, flex, en tabaycon, à l'est, mini bacon, à l'ouest, en point no stress, pas vex, en paille, mais latex, tout pour de ting, ting, ting, pom, fesse, ka, ping, ping, ping, fuck, pas, ding, ding, ding, ding, tout pour de ting, ting. Pomp fesse ka bing bing bing. Le j'aime c'est pas choupi, l'école m'est a fini, en cigarette compagnie. M'a des mamans, Gucci, IMSEX, sans abaisse, A, L, D, P, A, B, T, S, en bon day, en tant qu'à bacon. À l'est, viré bacon, à l'ouest, en point no stress, pas vex, en paille, mais latex. À l'est, viré bacon, à l'ouest, en point no stress, pas vex, en paille, mais.